Thank you. Drum and synchro. Pourquoi il me parle en anglais lui? Est-ce que c'est synchro la batterie? Ouais. Thank you. essaye de faire un hymne d'accord basique. Thank you. C'est bon. Ok. Bon, c'est ça, hein. I restart. Ok. On va essayer ces trois accords, là. On commence. Bah, essaye de jouer les trois heures. peux jouer le riff, après tu peux improviser sur la base d'accord quoi. Si t'as envie. C'est pas trop forte ma guitare. Ok. C'est pas le bonheur. Moi je vivais d'amour. Aujourd'hui je n'ai plus l'âme sœur. J'écoute ma douleur et le silence est lourd. Les secondes sont des heures, j'imagine. J'imagine ce que tu dis, ce que tu fais. J'imagine bien. Je devine ce que tu vis à ses côtés. Tout ça en mon absence. Moi je rêvais d'amour, aujourd'hui j'en ai plus le cœur. J'écoute et j'ai peur. Non je t'aime toujours qu'il en pense meurt. J'imagine ce qu'il te dit, ce qu'il te fait. J'imagine ce qu'il en pense. Je devine ce que tu vis à ses côtés. Tout ça en mon absence. J'ai laissé les fleurs du jardin se faner. J'ai laissé ton odeur sur l'oreiller. J'ai laissé les volets fermés tout l'été. Pour ne plus voir les jours. La nuit j'entends ta voix et ton corps, je le vois. Oui mais la nuit j'entends ta voix. Car je sais tu ne reviendras non pas. J'ai laissé les fleurs du jardin se faner. J'ai laissé ton odeur sur l'oreiller. J'ai laissé les volets fermés tout l'été. On ne peut voir que je. donc, ta guitare est pas très bien accordée, non ? Dark. Il faut que tu prennes un petit accordeur, je pense. Non ? Moi aussi, il y a un problème. Sur le même tempo, voir si j'en ai un autre là dans le même style. C'est chiant à caler ce truc. Merde, j'ai raté. Ah, c'est à peu près calé, non ? Je sais pas si c'est bien calé, hein. D'accord, à l'oreille ou... En sol, je pars à un. Ça vous va ça ou non ? Est-ce que tu as trouvé les accords ? Alors attends, je sais pas ce que c'est cet accord, je suis nul pour ça. C'est celui-là là. J'avais mon application. Il n'y a pas un autre musicien là qui sait ce que c'est l'accord. Attends, ça c'est un si, je crois. Je crois que c'est un si. Il me semble. Ouais, ça doit être ça. Ça fait try to remember. Try to remember. So tender. Try to remember. C'est bon, tu les as? Ouais, ok. Bah, tu pars à 1. Et tu pars quand tu veux. Moi, je te suis. J'ai l'impression que ma guitare est un peu forte, moi, non? Ah oui, mais attends, il y a un accord, ok. Ok, c'est pas grave. Attends, ouais, non, c'est que il y a un accord, c'est pas le même. C'est pas grave. Fais ce que tu veux. Jardin s'est pané. J'ai laissé ton moi je rêvais d'amour. Aujourd'hui, j'en ai plus le cœur. J'écoute et j'ai pleur. Non, je t'aime pour toujours, qui lentement se meurt. J'imagine ce qu'il te dit, ce qu'il te fait, ce qu'il en pense. Je devine ce que tu vis à ses côtés en mon absence. Ouais, je devine ce que tu vis à ses côtés en mon absence. J'ai laissé les fleurs du jardin se faner. J'ai laissé ton odeur sur l'oreiller. J'ai laissé ton odeur sur l'oreiller. J'ai laissé les volets fermés tout l'été. Moi je rêvais d'amour, aujourd'hui j'en ai plus le cœur. J'écoute et j'ai pleur. J'écoute et j'ai pleur. J'ai laissé les fleurs du jardin se faner. J'ai laissé ton odeur sur l'oreiller. Pour les fermer tout l'été, pour ne plus voir les jours se lever. J'ai laissé les fleurs se faner. J'ai laissé ton odeur sur l'oreiller.

guitare d'art pop. J'avoue, c'est pas le bonheur. Moi je vivais d'amour. Aujourd'hui je n'ai plus l'âme sœur. J'écoute ma douleur. Et le silence est lourd. Oh oh oh. Les secondes sont des heures. Les secondes sont des heures. J'imagine ce que tu dis, ce que tu fais et ce que tu penses. Je devine ce que tu vis à ses côtés en mon absence. Non, j'imagine tout ça, tu sais, mais ça fait mal, ça fait mal au fond de moi. Allez, viens, viens. C'est pas le bonheur. Moi je vivais d'amour. Aujourd'hui je n'ai plus la sœur. J'écoute ma douleur. Et le silence est lourd. Les secondes sont des heures. J'imagine ce que tu dis, ce que tu fais, ce que tu penses. Et je devine ce que tu vis à ses côtés en mon absence. Laisser les fleurs du jardin s'épaner. J'ai laissé ton odeur sur cet oreiller. J'ai laissé les volets fermés tout l'été pour ne plus voir le jour se lever. Ah, des voix ça fait, hein. Cher public, voici une nouvelle chanson. Totalement improvisée. Alors vraiment improvisée. La prochaine. La prochaine. N'existe pas encore. Mais ça ne saurait tarder. Quel est le tempo, hein? À 80 et à 40.